Moscou a retiré ses forces de la région de Kiev, la capitale, où plus de 1200 corps au total ont été découverts, d'après la procureure générale ukrainienne, des crimes de guerre imputés aux forces russes. On apprend ce matin que la banque française Société Générale va se retirer de Russie. Le temps aujourd'hui sera sec et ensoleillé. Météo France prévoit un ciel voilé dans l'ouest. Pas plus de 15 degrés attendus à Cherbourg et Belfort cet après-midi. 16 à Lyon et Marseille, 17 degrés à Paris, jusqu'à 22 à Bordeaux. France Culture, l'esprit d'ouverture. Jamais! La Winter Jaro. France Culture présente le film « Et il y eut un matin » d'Eran Kolirin. Sami vit à Jérusalem avec sa femme et leur fils. Le mariage de son frère l'oblige à retourner, pour un soir, dans le village arabe où il a grandi. Mais pendant la nuit, le village est encerclé par l'armée israélienne. Sami ne peut plus repartir et voit tous ses repères vaciller, son couple, sa famille et sa vision du monde. Et il y eut un matin, mercredi au cinéma, un film France Culture. Le Covid-19 peut présenter des risques graves pour les femmes enceintes. Il multiplie le risque d'être admise en soins intensifs ou de donner naissance à un grand prématuré. C'est pourquoi la vaccination contre le Covid-19 est recommandée dès le début de la grossesse pour se protéger et protéger son enfant. N'attendez pas. Parlez-en avec un professionnel de santé ou prenez rendez-vous sur www.sante.fr. Tous vaccinés, tous protégés. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé. 9h06, le cours de l'histoire, c'est maintenant avec vous, Xavier Mauduit, bonjour. Bonjour Margot Delpierre, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le cours de l'histoire, les grandes rivalités historiques. Aujourd'hui, une rivalité qui nous conduit en Méditerranée, tout autour de la Méditerranée, Cléopâtre, Marc-Antoine et Octave. Quel rôle pour Cléopâtre dans cette opposition ? Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Les grands face-à-face historiques. Attention, la République est menacée, menacée par la guerre civile. Le 1er siècle avant notre ère nous offre une brochette de personnages dont le nom titille tout de suite notre esprit. Il y a César et Pompée, bien sûr, Ptolémée aussi, et puis Marc-Antoine, Cléopâtre, Octave, le futur Auguste. Du sang, de l'amour, des oppositions, la trame parfaite pour inspirer dramaturges, romanciers, cinéastes. Mais qu'en disent les historiens ? Car au-delà de ces personnalités, il y a des visions politiques, des visions du monde. Quand Cléopâtre s'allie à Marc-Antoine et s'oppose à Octave, il est temps de passer à l'axiome. Maurice Sartre, bonjour. Bonjour. Avant tout, présentons les protagonistes de cette histoire. Qui est Cléopâtre ? Cléopâtre, elle est l'héritière, une reine, non pas reine d'Égypte, mais une reine, qui est l'héritière d'une longue dynastie installée depuis 3 siècles, principalement en Égypte, mais qui règne sur un royaume beaucoup plus multiforme. Ils ont régné en partie sur la Syrie, sur Chypre, sur la Cyrénaïque. Alors, ce qu'elle ne sait pas encore, c'est qu'elle est la dernière. Et je crois que pour l'historien, c'est important de prendre en compte qu'elle ne sait pas qu'elle est la dernière. C'est une femme, et vous avez employé l'expression, qui est animée par une vision politique. Ce qu'elle sait, c'est que déjà, elle est reine par la grâce de Rome d'une certaine manière, puisque son père avait été chassé du pouvoir et il a été rétabli en 55. Elle a quand même une quinzaine d'années, donc elle est assez grande pour comprendre ce qui se passe, par Rome, en payant. Enfin, en promettant de payer, plus exactement. Et elle a donc eu, dès son plus jeune âge, une vision à la fois de la corruption politique, de la puissance de Rome, qui, au moment où elle est à peu près consciente de ce qui se passe, domine tous les rivages de la Méditerranée. Sauf, non pas un petit village gaulois, mais sauf l'Égypte, sauf son royaume à elle. Cela dit, elle est quand même reine par la volonté de Rome, ne serait-ce qu'indirectement par son père. Et donc, elle va s'employer, une fois associée au pouvoir par son père, à essayer de récupérer ce qu'elle peut pour agrandir, retrouver non pas peut-être le royaume tel qu'il était au temps de Ptolémée Ier ou les premiers Ptolémées, mais en tout cas un peu plus que ce qu'on lui a laissé, c'est-à-dire la seule Égypte. Et puis Cléopâtre est grec, même ce prénom Cléopâtre, c'est elle grec. Elle est grecque, bien entendu. Normalement, on devrait dire macédonienne, mais honnêtement, à l'époque où on est, plus personne ne fait la différence. Les Macédoniens parlent grec, et donc elle est grecque. Elle est grecque jusqu'au bout des ongles. Elle n'a pas un pouce de sang égyptien, puisque depuis le début de la dynastie, ou à peu près, on se marie entre frères et sœurs pour éviter le mélange. Donc, il y a là-dessus aucun doute, elle est grecque. Alors ça y est, nous avons notre première protagoniste, Cléopâtre. Il faut poursuivre pour essayer de saisir ce qui se passe dans cette rivalité. Qui est Octave, Frédéric Hurlet? Oui, Octave en fait est un homme de l'aristocratie municipale italienne de la fin de la République. C'est quelqu'un qui est arrivé, qui a fini comme empereur, mais qui n'aurait pas dû nécessairement finir comme empereur, parce que en fait après bien des péripéties, il est arrivé là où il est arrivé. En réalité, c'est quelqu'un qui est né dans une famille, de l'aristocratie italienne qui commence à émerger à Rome. Et donc, il fait partie de ces familles, disons, de second rang. Son père était prêteur, c'est-à-dire n'était pas consul, n'était pas encore arrivé au sommet de la hiérarchie. Son père meurt quand Octave était jeune. Et en réalité, c'est quelqu'un qui doit son ascension à un événement extraordinaire que l'on connaît bien, qui est la mort de Jules César. Et au fait que Jules César, avant de mourir, avait rédigé un testament, qui est connu à titre posthume, testament dans lequel il adoptait le jeune Octave, avec lequel il avait des liens de parenté, mais pas très très étroit finalement. Sans doute que Jules César avait deviné finalement dans Octave des qualités qui lui ont valu finalement de devenir le premier empereur de Rome. En tout cas, c'est une ascension tout à fait extraordinaire qui montre que même si le système était relativement fermé à cette époque-là et qu'il fallait faire partie des grandes familles, il y avait quand même un certain nombre d'échappatoires qui permettaient finalement à des hommes de talent d'émerger. Et puis dans l'histoire que vous nous racontez et qui nous intéresse, il faut le rappeler et le souligner sans cesse, Rome n'est pas encore l'Empire. Dans cette rivalité Marc-Antoine-Octave, nous sommes en République. Exactement. Nous sommes dans une République qui connaît une crise. Alors, on discute sur la durée de la crise, mais il est un fait que ce système est confronté à de plus en plus forte concurrence, de plus en plus forte compétition entre les hommes. Vous avez cité au début Pompée et César, et effectivement, il y a eu ensuite Octave et Marc-Antoine. Et ce système, qui est un système républicain, en tout cas, qui est fondé sur ce qu'on appelle la res publica, la chose publique, eh bien, subit de tels, finalement, problèmes, de telles crises, que cette rivalité a débouché, au bout du compte, sur un nouveau régime. Mais tout cela est une histoire d'une vingtaine d'années, quand même. Enfin, même plus si on prend encore le cas de César. Et puis, ce dernier personnage qui va nous intéresser aujourd'hui, Maurice Sarthe, Marc-Antoine. Ben Antoine, c'est Frédéric Hurlet devrait répondre à ma place. Moi, ce que je peux dire, c'est son rôle en Orient. Il se trouve qu'il est déjà venu en Orient et c'est peut-être a-t-il rencontré déjà Cléopâtre à ce moment-là, en 55, justement au moment où il fait partie des officiers qui, avec Gabinius, rétablissent le père de Cléopâtre sur le trône. Ptolémée XII. Nous sommes avant Jésus-Christ. On est toujours avant Jésus-Christ, puisque notre histoire va se terminer tragiquement, au moins pour deux d'entre eux, en 30 avant Jésus-Christ. Donc, on ne va peut-être pas le préciser chaque fois maintenant. Voilà, c'est fait. C'est dit une fois. Voilà. Mais autrement, c'est Frédéric qui peut répondre plus que moi sur l'origine d'Antoine. Oui, Antoine est, alors, contrairement à Octave, Antoine est le membre d'une famille romaine. Alors, il y a eu notamment le grand-père qui était un grand orateur, donc, c'est vraiment une famille déjà de l'aristocratie romaine. L'élément le plus important à retenir pour Antoine, c'est justement son lien avec Jules César dès son jeune âge. Donc c'était quelqu'un qui était proche de Jules César et qui a gravi les échelons au point d'être finalement le consul en 44 au moment où justement César est assassiné. Eh bien, toute cette ascension s'est faite sous, je dirais, la bonne étoile, en tout cas jusqu'en 44, de Jules César. Oui. Et alors, ce qu'il faut ajouter aussi, c'est qu'il y a une différence d'âge assez forte entre Octave et Marc-Antoine. Marc-Antoine est né dans les années 80, donc un moment où Rome commençait, c'est l'époque de la dictature de Sylla. Octave, lui, est né en 63. Donc il y a une génération d'écart entre les deux. Hein. Et donc, Marc-Antoine a gravi les échelons petit à petit, quand Octave était encore un jeune enfant et un adolescent. Et quand Octave, finalement, apprend son adoption posthume par César, il n'a pas 20 ans. Marc-Antoine en a quasiment 40. C'est important, hein, cet effet générationnel. Ainsi, dans cette histoire d'opposition entre Marc-Antoine et Octave, il y avait eu, on le sent bien, un premier tour, César Pompée. Théâtre, histoire et fantaisie. Une émission de Marguerite et Jean Allais. Vous avez remarqué combien les historiens de la littérature dramatique aiment à établir des rapprochements, des comparaisons entre les auteurs des différents pays. Ils aiment mettre en parallèle certains sujets, certains personnages. Ouais, oui. Mais s'ils ne s'amusaient pas à ces petits jeux-là, à quoi s'occuperaient-ils? C'est leur métier. Ah, quelle bonne réponse. Ah oui, mais ma réponse est d'autant meilleure que vous allez vous livrer à la même besogne que ces historiens critiques dont vous parlez avec condescendance. Vous ne connaissez sans doute pas très bien votre histoire romaine. Mais comment savez-vous que je ne la sais pas? Hein? Oui, enfin, passons les rêves du monde. Vaincu par César à Pharsale, Pompée est en fuite et fait voile vers l'Égypte. Le jeune roi Ptolémée d'Égypte décide avec ses conseillers de faire assassiner Pompée afin de s'attirer la faveur de César. Et cette situation a un autre avantage, briser les ambitions de la sœur de Ptolémée, Cléopâtre, qui a droit à une part du royaume d'Égypte. Mais on ne saurait penser à tout et Ptolémée n'a pas pensé au grand faible de César pour Cléopâtre. Oui, ça y est. Je me souviens. Pompée est tué, César proclame Cléopâtre reine d'Égypte, et Ptolémée est supprimé après avoir tenté un complot contre César. Voilà. Ah ben, je ne sais pas si vous êtes très clair, mais enfin vous êtes rapide. Oui. Nous étions en 1961 avec ce son, ouh là là là là, mais plein de misogynie, nous l'avons entendu. Maurice Sartre, dans l'étude que vous faites de Cléopâtre, Cléopâtre, un rêve de puissance hein, que vous publiez, eh bien, il y a là aussi la nécessité de porter un regard sur le regard lui-même porté sur Cléopâtre. Oui, Cléopâtre, elle est doublement victime. Des historiens de l'Antiquité et des hommes en général, si j'ose dire. Femme de pouvoir, elle a forcément des tares qui sont attribuées à toutes les femmes de pouvoir. Depuis l'Antiquité, j'ose pas dire exactement jusqu'à nos jours, mais quand même on n'en est pas loin. Elle est assoiffée de sexe, d'argent et de pouvoir, c'est-à-dire de cruauté, donc sans limite. Donc tous les ragots qui sont rapportés sur Cléopâtre tournent autour de ces trois thèmes. Elle fait fondre une perle d'un grand prix dans du vinaigre, elle fait périr les condamnés à mort en essayant des poisons, enfin que des histoires qui sont pas forcément fausses, mais qui sont prises parfois à contresens. C'est surtout ça qui me semble important. Donc, je crois que Cléopâtre, comme j'ai dit tout à l'heure, elle a d'abord une vision politique, elle a des objectifs. Ça ne fait aucun doute. C'est à coup sûr une femme intelligente qui connaît sur le bout des doigts son histoire antique de l'Égypte, en particulier et sa dynastie, et qui sait que dans cette dynastie, on se massacre. C'est la seule solution que l'on voit aux crises qui peuvent frapper la dynastie. Donc elle sait que sa vie est en danger du moment où elle est rentrée en conflit avec son frère, qui est un gamin. Elle a 20 ans, elle est née probablement à la fin de l'année 70. On a un point de repère parce qu'on sait que l'anniversaire d'Antoine, c'est le 14 janvier. Et on sait qu'elle a fêté son anniversaire, après la bataille d'Actium, un peu avant Antoine. Donc elle est née avant le 14 janvier. 69, oui, c'est ça. Donc, probablement la fin de l'année 70. Donc, au moment où César débarque à Alexandrie, elle a une vingtaine d'années, à peu près, puisque César arrive en 48, hein, en juillet 48. Donc, elle a même 22 ans, on va dire, à peu près. Et son mari, soi-disant, qui devrait régner avec elle, mais qui, en fait, ne règne pas avec elle, pas encore, en tout, ou enfin, il vient de, il a pris le pouvoir, il a pris plus exactement le pouvoir, oui, on va dire comme ça, 2 ans après elle, hein, puisque elle est déjà dans l'an 3 de son règne quand lui commence l'an 1. Donc il y a un écart. Elle a réussi à le maintenir à l'écart. Là, elle peut plus. elle peut plus le faire, et elle a sur lui une autorité évidente, mais elle sait qu'il ne reculera absolument pas. Les conseillers, pas le gamin lui-même, on n'en sait rien. Il compte pas beaucoup, mais ses conseillers feront tout pour la faire assassiner. D'où l'histoire de l'anecdote de l'arrivée cachée, roulée dans un tapis. C'est tellement plus joli. Mais en fait, sans doute cachée au fond d'une barque sous des chiffons pour atteindre César. Elle sait, et c'est là, moi, ce qui m'intéresse, elle sait que de toute façon, elle ne pourra rien faire sans Rome. Ouais. C'est là l'objectif de sa rencontre avec César, c'est pas d'aller le séduire. Après, le coup de foudre, ça, je n'en sais rien. L'historien est privé de toute source. D'une part, il n'a pas tenu la chandelle, et d'autre part, ils n'ont pas laissé de mémoire, ni l'un ni l'autre. Alors, les raisons profondes de leur liaison, on ne la connaît pas, elle existe. Il y a un fruit, si j'ose dire, l'enfant, César, le petit César qui s'appelle Ptolémée, entre nous soit dit. Césarion, c'est qu'un surnom. C'est une manière de dire, c'est le rejeton de César. Mais il s'appelle Ptolémée, comme tous les garçons chez les Ptolémées. Oui, et puis vous nous l'avez bien dit, Maurice Sarthe, Cléopâtre a une vision dynastique, elle ne sait pas qu'elle est la dernière, donc avec ce fils de César, voici un nouveau Ptolémée, la suite est déjà présente. Dans la vie politique égyptienne, il y a du poison, il y a de l'assassinat facile, tel que cela est présenté. Frédéric Hurlet, dans le monde romain, là aussi, hein, beaucoup de représentations d'une république efficace, mais une république en fait sans cesse sous tension. Il y a eu César et Pompée. Pourquoi Marc-Antoine et Octave sont-ils en opposition? Pourquoi ces tensions aussi fortes que la république n'arrive pas à régler? Alors, quand Jules César est assassiné le 15 mars 44, effectivement, c'est un coup de tonnerre, et la vie politique est totalement bouleversée. Alors, ce qu'il en ressort, hein, c'est que la vie politique est tellement bouleversée que la concurrence éclate de partout. Et il faut bien imaginer que, en fait, les années 44 et 43, ce sont les années durant lesquelles on voit surgir toute une série de personnages qui jouaient un second rôle à ce moment-là et qui, d'un coup, deviennent, parce que César n'est plus là, qui vont sur le devant de la scène. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de personnages. Il y a Marc-Antoine, évidemment, qui était, et alors d'abord, le premier, qui était sans doute celui qui était en position de force en 44, c'est Lépide, qui a disparu par la suite, mais qui était maître de cavalerie du dictateur Jules César et qui avait en fait des forces militaires avec lui. Puis il y avait Marc-Antoine qui était là aussi parce qu'il était consul, était donc un proche de César. Donc il y avait les Césariens, puis avec ceux qui avaient assassiné donc Jules César, qui étaient Brutus, Cassius. Alors il y en avait d'autres encore, il y avait Decimus Brutus dont on reparlera sans doute après. Donc il y avait déjà au moins 5 personnages. Et puis apparaît brutalement, alors qu'il n'avait pas 20 ans, le jeune Octave qui apprend, il était alors en Grèce, et il apprend qu'il est désigné comme le successeur, le fils adoptif de Jules César. Et il accepte l'héritage, notamment il accepte le nom, ce qui est le plus important. Donc d'Octavius, il devient Julius Caesar. Caius, Julius Caesar, il prend le nom de son père, à un point que d'ailleurs les historiens l'appellent César. Alors César le jeune, pour le distinguer de César le père, mais il n'empêche que c'est un César. Et donc ça fait un personnage qui apparaît comme ça sur le devant de la scène, sans que finalement tout cela ait été préparé. Et il faut imaginer en quelque sorte les réactions de ces personnages césariens qui pensaient détenir finalement l'image de César, la défense de l'image de César, et qui tout d'un coup se voient concurrencés par un blanc-bec, puisque c'est quand même ça qu'il faut bien le voir les choses, qui apparaît et qui tout d'un coup dit bah, d'abord j'ai le nom de César, j'ai la fortune de César et j'ai les clientèles de César. Et donc très rapidement, dès le printemps 44, automatiquement la concurrence est très forte entre les hommes. À un point même que finalement, dans ce contexte finalement si particulier, si concurrentiel de l'année 44, Octave se rattache au camp des Républicains. Notamment avec, je dirais, l'entremise de Cicéron, hein, qui joue un rôle de ce point de vue-là un peu obscur, et d'ailleurs qui lui a valu la mort par la suite. Hein. Mais Cicéron, finalement, réussit à capter le jeune César pour l'opposer à Marc-Antoine. Donc il y a un jeu politique dès le départ. Hein. Et tout cela a conduit même à une guerre entre, finalement, les Républicains d'un côté, soutenus par Octave, et Marc-Antoine de l'autre, qui est la guerre de Modène en 43. Guerre de Modène, au cours de laquelle, d'ailleurs, Marc-Antoine a été vaincu et aurait pu disparaître s'il n'avait pu, justement, mais ça c'est peut-être un point sur lequel on verra tout de suite, fédérer toutes les forces césariennes par la suite. Oui, parce que vous apportez des éléments de réponse à une question que je voulais vous poser, Frédéric Hurlet. Il n'est pas ici seulement question de rivalité de personnages. Les gens ne sont pas seuls dans l'histoire, et surtout quand il est question de combat et de guerre. Il y a des gens derrière, il y a éventuellement des factions, il y a tout un mouvement. On arrive à distinguer clairement ici entre Marc-Antoine et Octave qui soutient qui. Voilà, et tout à fait. C'est le gros problème des années 44-43, ce qui fait que c'est à la fois si passionnant et si compliqué à comprendre, c'est que il y a beaucoup de factions. Il y a tout d'abord, disons, les césariens, je dirais extrémistes en exagérant un petit peu, mais des personnes comme Marc-Antoine et Lépide qui soutiennent l'image de César jusqu'au bout. Et puis il y a quelqu'un qui arrive comme Octavien qui va encore plus loin, notamment pour promouvoir César comme un dieu, puisque si César devient un dieu, Octave devient le fils d'un dieu, ce qui évidemment est d'un point de vue politique tout à fait avantageux. Et puis d'autre côté, il y a Cicéron qui essaye un peu de lier Octave aux républicains. Et puis il y a les assassins de César, qui sont donc Brutus et Cassius et Licinius Brutus. Et puis il y a toute une série de césariens modérés, qui sont un peu entre les deux camps, ce qui explique finalement que la guerre de Modène ait pu opposer des césariens modérés et des républicains à des césariens comme Lépide et Marc-Antoine. Oui, nous sentons bien que c'est une question de ralliement, question qui intéresse toujours dans l'idée de face à face. En fait, derrière le face à face, il y a énormément de soutien. En 43 avant Jésus-Christ, trois bons hommes s'associent. Eh bien, les combats sont finis, et nous avons gagné. Tu devrais te rétablir très vite, maintenant. Même si je devais en mourir, ma place était près de toi au combat. Tu as eu tort de me retenir. César était trop malade pour tenir à cheval. César? Ah oui, j'oublie constamment. J'en suis l'héritier légitime. J'ai fait de ce nom le mien. Pourquoi pas? On ne te confondra sûrement jamais avec l'autre. Au moins, tes troupes se sont bien battues, sous mon commandement. Agrippa m'a tenu constamment informé. Couché ici et malade, tu dois avoir eu le temps de considérer le problème. Je crois préférable de continuer le triumvirat. Toi et moi et Lépide. Bien, c'est parfait. Lépide aura l'Afrique et toutes les îles, toi l'Espagne et la Gaule. Rome et l'Italie demeurent sous notre administration commune à nous trois. Et toi, tout le reste. Alors, avec Lépide en Afrique et toi en Orient, ramener l'ordre à Rome et dans toute l'Italie m'incombera. À ce qu'il semble. L'Espagne et la Gaule ne sont pas assez riches pour nous. Il nous faudra de l'argent à Rome. Les impôts ont déjà provoqué des émeutes. On me l'a dit. Conclu. Conclu. Eh bien voilà, c'est conclu dans le film de Mankiewicz en 1963, Cléopâtre, le triumvirat entre Octave, Marc-Antoine et Lépide. Mais dites-nous, Maurice Sard, que fait Elizabeth Taylor pendant ce temps-là? Elizabeth Taylor, évidemment, qui joue Cléopâtre. Bien sûr. Alors, ce qu'il faut rappeler, c'est d'abord que Cléopâtre est à Rome au moment de l'assassinat de César. C'est pas son premier séjour, elle a fait au moins deux séjours assez longs, qui n'ont d'ailleurs pas suscité de scandale particulier, bien que César vive chez lui, dans la Regia, c'est-à-dire l'ancien palais, puis comme il est le grand pontife, alors qu'il a installé sa maîtresse de l'autre côté du Tibre, mettre un petit peu de distance. Enfin bref, elle est là, mais sur le départ, puisque de toute façon, César est prêt à partir aussi, puisqu'il doit partir le 18 mars contre les Parthes. Donc elle est prête à rentrer chez elle. Lorsque la guerre éclate, tout ce qu'a dit Frédéric Hurlet tout à l'heure, Cléopâtre est bien embarrassée d'une certaine manière, parce que là encore, elle sait que quel que soit le vainqueur, il faudra qu'elle traite avec lui. Quoi qu'il arrive, elle a besoin d'un Romain, quel qu'il soit. Elle ne fera rien sans l'un ou l'autre. Donc elle ne va pas engager toutes ses forces du côté d'Antoine. D'abord, elle n'a pas de lien particulier avec Antoine à ce moment-là, pas plus qu'avec Octave ou un quelconque des protagonistes. Et on voit très clairement que elle mène une double politique. Elle promet d'envoyer des secours ou de l'aide à Antoine et à Octave après la guerre de Modène. Et puis, la flotte, malheureusement, ne peut pas sortir du port, le vent n'est pas bon. C'est bêta. Et puis, elle envoie le stratège, un stratège important, à Chypre. Bon, après coup, elle va l'accuser d'avoir agi sans ses ordres. Mais en réalité, lui est prêt à aider Cassius et Brutus. Alors que elle est plutôt, parce que là, elle a rencontré Antoine, elle est plutôt du côté d'Antoine. On voit très clairement, si on regarde les choses un petit peu dans le détail, qu'elle essaye de rester en dehors en ménageant les deux camps. Et lorsqu'elle est convoquée, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit, par Antoine pour venir s'expliquer à Tars après la défaite donc des républicains à Philippe en octobre 42, donc là c'est l'année d'après, il y a des raisons de la soupçonner de n'avoir pas été pleinement d'un côté. Mais là encore, ça prouve son intelligence politique. Elle a tout à perdre en prenant trop vivement parti dans cette affaire, dans une guerre, dans un conflit qui n'est pas le sien, de toute façon, qui ne concerne pas son royaume, sauf qu'il faudra traiter avec le vainqueur, quoi qu'il arrive. Et l'Égypte est fondamentale dans cette histoire, Frédéric Hurley. Oui, tout à fait. C'est le moment le plus important, c'est effectivement, c'est que après la bataille de Philippe, donc le triumvirat a été créé, fondé en 43. La bataille de Philippe finalement permet d'éliminer les républicains, et à ce moment, tout l'Orient passe, je dirais, dans l'escarcelle de Marc-Antoine. Et effectivement, l'Orient, il y a les provinces romaines qui sont déjà bien, disons, constituées, et puis il y a ce royaume d'Égypte qui est un royaume avec une grande puissance. Et donc finalement, d'abord d'un côté la bataille de Philippe, eh bien Marc-Antoine et Octave, je dirais, à la fois sont toujours des collaborateurs, mais en même temps sont des rivaux de plus en plus forts. Et d'un autre côté, Marc-Antoine est inévitablement attiré par l'Égypte, de ce point de vue-là, avec laquelle il devra évidemment, je dirais pas composer, mais avec lequel il peut faire alliance, justement. D'un point de vue, effectivement, comme le souligne, comme on peut le voir, d'un point de vue financier, parce qu'effectivement, l'Égypte, c'est une richesse financière absolument énorme. Et aussi, c'est une puissance, je dirais, militaire, qui compte dans le contexte de l'époque. Et donc, cette rencontre de Tars à laquelle on arrive, c'est-à-dire celle de 41, eh bien, est une rencontre, finalement, qui finalement est assez logique dans le contexte de l'époque, puisqu'elle voit le Romain qui est, je dirais, le Romain dominant l'Orient, se mettre d'accord, et je dirais même plus que là, puisque c'est une rencontre absolument extraordinaire, eh bien, on voit justement cette rencontre se mettre en place. Cette rencontre, c'est entre Cléopâtre et Marc-Antoine. Dans cette rencontre, dans cette géopolitique, nous l'entendons bien, hein, il y a cette place de l'argent, pas seulement de l'argent, hein, il y a le blé aussi, il y a la nourriture. C'est très important pour ça, l'Égypte Maurice Sartre. On ne peut pas faire sans l'Égypte. C'est ce double jeu qui est intéressant, c'est que les Romains ne peuvent pas faire sans l'Égypte et l'Égypte ne peut pas faire sans les Romains. Les Romains représentent la puissance politique évidente et leur parole importe. On en a eu un exemple déjà plus d'un siècle avant, où un seul Romain peut interdire à un roi séleucide de prendre Alexandrie. En lui disant, tu te retires et tu me réponds avant de sortir de ce cercle. C'est le fameux cercle de Populaire. Et le Romain est seul et l'autre obéit. Bon. Donc, il représente la puissance politique. L'Égypte représente la richesse, l'argent, le blé. On en a besoin peut-être pour nourrir Rome. À cette époque-là, pas encore trop, mais on en a besoin pour nourrir les légions et pour payer les légions. Et je crois que l'argent que représente l'Égypte ne doit jamais être oublié dans ce contexte-là. Même si la propagande d'Octave, plus tard, va dire que l'Égypte était mal gérée, Strabon, en bon petit soldat de la propagande, dit « mais les canaux étaient pas curés, alors la crue du Nil ne pouvait pas se répandre et le pays était mal géré », tout prouve le contraire. On a les archives d'un stratège du Fayoum qui montre que le pays rend comme d'habitude, si j'ose dire. On estime les revenus annuels des rois Ptolémée, des rois Lagides, à environ 15 000 talents. C'est une somme considérable. Considérable. Simplement, en même temps, les Romains ont un intérêt financier direct, c'est que Ptolémée XII avait promis de payer pour qu'on le rétablisse. Et ça, ils vont pas se priver. Alors, ils ont essayé d'en récupérer déjà après avoir rétabli Ptolémée XII, mais il reste toujours des dettes. César lui-même a prélevé 17 millions, si j'ai bonne mémoire, de sesterces. Donc, si vous voulez, il y a l'argent au cœur du problème. On va le retrouver d'ailleurs, cet argent, au moment de la bataille d'Actium. Là aussi, les ragots mal compris, les anecdotes mal comprises ont fait fuir Cléopâtre parce qu'elle voulait sauver ses sous. Non, c'était pas ça. Comme l'aurait écrit, ou comme l'a écrit même René Goscinny dans Les Aventures d'Astérix, tous ces gens-là ont beaucoup de talent, c'est certain. En moins 41, Cléopâtre et Marc-Antoine se rencontrent à Tarse. Soldo ti amo, in aria ti amo, se viene testa vuol dire che basta, lasciamoci ti amo, io sono ti amo. Umberto Tozzi, ti amo, dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Alexandre Manzanares avec aujourd'hui à la technique Anthony Thomasson. Nous intéressons aux rivalités historiques Cléopâtre et Marc-Antoine contre Octave. Maurice Sarthe, à Tarse en 41 avant Jésus-Christ. Que se passe-t-il? Bien sûr, le résumé qui est fait dans toutes les productions de fiction insiste sur la rencontre amoureuse. C'est beaucoup plus fin que cela. Oui, c'est beaucoup plus fin. Là encore, sur la relation amoureuse, on ne peut rien dire. Aucun ne s'est confié. Donc, c'est pas là l'important. Ce qui est important, me semble-t-il, c'est que Cléopâtre doit venir s'expliquer sur son attitude pendant la guerre civile. Et elle n'a pas beaucoup d'atouts dans son jeu, parce que visiblement, il y a eu double jeu, on va dire. Mais elle parvient à renverser la... Elle vient pas la corde au cou. Elle va faire exactement le contraire. C'est-à-dire qu'elle va lui en mettre plein la vue. Elle vient dans un luxe inouï. C'est une manière aussi de montrer sa richesse et donc l'atout qu'elle peut représenter pour Antoine. Et ça, il n'est pas dupe. C'est pas un royaume expirant qui est là, qui vient. C'est pas une reine en perte de vitesse. Au contraire, c'est une femme riche qui peut donc l'aider à l'avenir. Et donc, d'où cette description absolument extraordinaire de Plutarque révisée par Mankiewicz, avec les rames d'argent, les voiles de pourpre, etc. Antoine l'invite à dîner, elle dit non, c'est toi qui vas venir, et elle lui en met, encore une fois, plein la vue. Donc, il y a là une intention politique, ce qui est très clair. Il s'agit de non pas de séduire au sens amoureux. Peut-être que c'est bien ce qui s'est passé, et c'est apparemment ce qui s'est passé, puisque Antoine la suit à Alexandrie dans l'hiver suivant. Donc il a quelques affaires à régler avant, mais ensuite il va à Alexandrie et ils vont rester ensemble 10 ans. C'est énorme, hein. C'est quand même, on l'oublie trop souvent, et qu'ils se marient. À partir de 37, ils sont mariés. Ils ont 3 enfants ensemble. Donc, je n'ai encore une fois pas tenu la chandelle, mais je me dis, il y a quand même quelque chose dont il faut tenir compte. Oui, oui. Mais sur lequel on ne peut pas broder. Et en même temps, ça ne se réduit pas à ça, évidemment. Frédéric Hurlet, dans cette histoire, il y a toutes ces oppositions et il y a le temps. Maurice Sarthe vient nous rappeler, hein, c'est 10 ans. Marc-Antoine et Cléopâtre, 3 enfants, dont des jumeaux. Et il y a cette lente mise en place d'une rivalité qui se construit entre Octave et Marc-Antoine. Qu'est-ce qui pousse à cette opposition? Le contexte politique, incontestablement. C'est-à-dire que nous sommes à partir, disons, de 41, nous sommes toujours dans un moment de tension entre les triumvirs. Hein. Le 41, au moment où, je dirais, il y a la rencontre de Tarse, c'est aussi en Italie la guerre de Pérouse, où Octave donc est en guerre contre le frère de Marc-Antoine, Lucius Antonius, frère de Marc-Antoine, soutenu par les généraux de Marc-Antoine. Muniatus Plancus, Ventidius Bassus, tous ces personnages-là sont présents. Et donc, il y a encore, de ce point de vue-là, une rivalité. Alors, ce n'est pas Octave qui affronte directement Marc-Antoine, mais il affronte son frère. Marc-Antoine est derrière. Et donc, il y a des négociations. Et tout cela aboutit finalement à ce qu'on a appelé la paix de Brinde, paix au cours de laquelle, à la suite de laquelle, on a pensé que la paix était définitivement restaurée, ce qui était totalement faux. Mais à l'époque, on y a cru. Et ce qui a conduit à justement à imaginer que ça pouvait être durable, ça l'a été, mais pas, c'était très très très temporaire finalement, c'est que il y a eu ce mariage entre Antoine et la sœur d'Auguste, du futur Auguste, donc d'Octave, qui est Octavie. Et donc, là encore, on s'est dit, ben voilà, ces personnages-là qui se détestaient parce qu'ils avaient tous les deux, finalement, la fibre césarienne, tous les deux voulaient être sur le créneau césarien, ben ces gens-là se sont déchirés, se sont réconciliés pour encore par la suite se déchirer par la suite. Oui, parce que là, nous entendons des histoires de famille et Marc-Antoine épouse la sœur de son rival. Mais oui, mais attendez, faut pas dire ça comme ça, parce que Maurice Sarthe nous a bien expliqué que Marc-Antoine était avec Cléopâtre. Je n'ose pas imaginer la réaction de Cléopâtre quand elle apprend la nouvelle. Que disais-tu ? Antoine et César sont amis. Il est en bonne santé et libre, disais-tu. Libre ? Madame, non, je ne l'ai jamais dit. Il n'est pas libre. Il est lié à Octavie. À Octavie? Quel service lui doit-il? Le meilleur, madame. Le service du lit. Charmian, je me sens mal. Madame, il est marié à Octavie. La plus abominable peste de Saran! Calmez-vous! Va-t'en, horrible scélérat! Où tes yeux vont rouler sous mon pied comme des billes! Où je vais t'arracher tous les cheveux de la tête! S'il te plaît, je leur ai déverge de fer, te percure un petit peu dans du vinaigre. Par pitié, madame, écoutez-moi. Ce mariage que je vous annonce, c'est moi qui l'ai conclu. Dis-moi qu'il n'a pas eu lieu. Et je te donne une province. Et je te comble de cadeaux que tu n'oserais même pas rêver. Antoine est marié, madame. Vermine, tu as vécu trop longtemps. Reprenez vos esprits, madame. Cet homme est innocent. Eh bien, les innocents sont-ils épargnés par la poudre? Je veux que toute l'Égypte s'engloutisse dans le Nil et que les créatures de l'Égypte soient toutes changées en serpents. Antoine et Cléopâtre, la tragédie de Shakespeare. Nous sommes au tout début du XVIIe siècle. C'est une adaptation de 1967 sur l'ORTF. Maurice Sarthe, mais quelle horreur ce que fait Marc-Antoine. Bah, il le fait peut-être pas volontairement. Si on regardait objectivement, on se dit du coup, il est bigame. Et c'est vrai qu'Antoine s'est mis dans une situation difficile sur le plan personnel. En fait, il n'est pas bigame. Parce qu'aux yeux de Rome, le mariage qu'il conclut, selon le droit grec, avec Cléopâtre, n'est pas légitime. Et on peut faire passer Cléopâtre pour une maîtresse. Point. Donc, il n'est marié aux yeux des Romains qu'une fois avec Octavie. Cela dit, il se complique beaucoup l'existence, parce qu'il vit quand même beaucoup, à partir de 37, pratiquement tout le temps, à Alexandrie. Et Octave va savoir jouer admirablement de la situation de son mariage avec sa sœur Octavie. Donc, il va envoyer, par exemple, Octavie lui porter des renforts en disant... On va bien voir ce qui va se passer quand Octavie va arriver à Alexandrie. Donc Antoine dit à Octavie, non, tu restes à Athènes, tu ne bouges pas, je vais venir moi-même. Et donc il fait la navette comme ça. Il passe aussi quelques temps, il passe même plus d'une année, si j'ai bonne mémoire, avec Octavie à Athènes. Et pendant ce temps, Cléopâtre, c'est pas une femme dans chaque port, mais en tout cas, sur les deux rives de la Méditerranée, il a une situation compliquée. Cela dit... Là encore, l'utilisation politique de cette situation par Octave est très habile, parce que ça va lui permettre de montrer que Antoine est un jouet entre les mains de Cléopâtre, et donc ça va permettre peu à peu de permettre à Octave de montrer qu'il ne fait pas la guerre, une guerre civile contre Antoine, mais contre une reine étrangère, donc c'est une guerre étrangère. Ce qui fait qu'il pourra triompher après Actium de l'Égypte, mais évidemment on ne triomphe pas à Rome d'un adversaire politique romain. La guerre civile est une chose affreuse. Octave serait le premier sans doute à le dire, à le reconnaître. Donc là, il est libre et il va toujours dans la propagande parler de l'égyptienne, on a rappelé tout à l'heure qu'elle n'a aucun sang égyptien, elle est grecque, et montrer qu'il mène une guerre légitime contre une puissance étrangère. Oui, beaucoup de propagande, évidemment. Et dans cette idée de guerre civile qui menace la République, Frédéric Hurlet, il y a de ça aussi dans cette stratégie. Présentation, vous avez des sources exceptionnelles pour travailler sur ce sujet-là. Mais alors, à manier avec énormément de précautions, ces sources sont très politiques. Oui, oui, oui. Alors, effectivement, à une époque, justement, maintenant, où nous connaissons une campagne électorale, où nous connaissons aussi, justement, le populisme, on a beaucoup parlé de fake news, hein, c'est un terme à la mode. L'Antiquité connaissait ce type recourait à ces fake news également. Tout ça était, je dirais, non pas de bonne guerre, parce qu'effectivement, il n'y a jamais de bonne guerre, mais c'était une politique tout à fait normale. Alors, parmi ces fake news, évidemment, il faut bien voir que la famille romaine est au cœur du pouvoir à Rome. Donc, tout ce qui concerne la famille, c'est fondamental. Et effectivement, Octave donne sa sœur en mariage à Marc-Antoine. C'est tout à fait dans les logiques de l'époque. Il y a de ce point de vue-là aucun problème. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas d'amour entre Marc-Antoine et Octavie. C'est pas la question. Ce qui se passe, c'est qu'il y a quelque chose de plus, qu'il y a une dimension politique. Et évidemment, le fait, comme le dit Maurice Sartre, le fait de voir que Marc-Antoine est également marié, selon le droit grec, avec Cléopâtre, tout cela complique la situation. Évidemment, et tout cela, comme Maurice Sartre l'a dit, ça rend la vie de Marc-Antoine particulièrement compliquée. Ce qui est frappant, c'est que dans toutes les sources, aussi bien latines que grecques, hein, quelles que soient leurs origines, en réalité, on a une dénonciation assez systématique du comportement de Marc-Antoine. Alors, tout cela, c'est en quelque sorte, je dis pas que tout est faux, il y a des éléments parce que les exagérations reposent toujours sur un fond de vérité. Mais il n'empêche que Octave a le talent, en quelque sorte, de tirer du contexte des éléments, et de les présenter de manière à ce que l'image de Marc-Antoine soit aux yeux des Romains une image totalement, je dirais, noire, une image totalement quasiment mystifiée de ce point de vue-là, parce que c'est une image déformée. Voilà, déformer l'image de l'ennemi, bien sûr, et de l'ennemi au féminin encore plus, c'est une étrangère, c'est une femme avide et qui ne pense qu'au sexe, ça ne peut être que Cléopâtre. C'est une guerre d'image, cette histoire-là, qui oppose d'un côté Cléopâtre et Marc-Antoine, à Octave. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, France Culture, excusez-moi d'interrompre pendant quelques instants le cours de l'histoire. Je voulais simplement vous donner rendez-vous car bientôt vous pourrez voir une super production historique et un grand spectacle intitulé Xavier Mauduit et Cléopâtre. Petit clin d'œil quand même à Astérix et Cléopâtre dans cette émission, avec une rivalité Frédéric Hurlet qui devient militaire. Nous avons beaucoup parlé de rivalité politique, de rivalité d'image, bien sûr, de propagande, et il y a quand même une histoire de combat. Chacun se prépare. Oui, oui, c'est-à-dire, l'époque triumvirale, c'est-à-dire les années 43, disons 30, est marquée par de nombreuses guerres. Disons, on voit progressivement que la guerre se rapproche entre les deux hommes. Alors, il y a plusieurs éléments importants. Il y a tout d'abord, avant la guerre entre Marc-Antoine et Octave, il y avait aussi d'autres guerres qui ont permis à Octave d'éliminer toute une série d'autres adversaires. D'abord, en 36, il y avait Sextus Pompée, qui contrôlait la Méditerranée occidentale et la Sicile, qui est écarté, finalement, à la suite d'une campagne menée par Octave. Donc, Sextus Pompée éliminé. Dans la foulée est éliminé Lépide, en 36, et à ce moment-là, à partir de 36, les deux hommes, Marc-Antoine et Octave, sont face à face. Et donc, au début, c'est une sorte de cohabitation, plutôt tendue quand même, Marc-Antoine en Orient, Octave en Occident. Et ce qui est un élément important, c'est que le temps, évidemment, jouait en faveur, enfin, je dirais plutôt d'Octave, parce que le triumvirat n'est pas une fonction donnée à vie, c'est une fonction donnée pour 5 ans, renouvelable 5 années. Et on sait bien qu'en 32, les pouvoirs d'Octave et de Marc-Antoine allaient expirer. Et donc, le fait d'être à Rome était un élément important. Et Octave était à Rome. Et donc, plus le temps passe, plus on s'approche de l'année 32, plus on sent, évidemment, la tension monter. Alors, il y a eu d'abord quand même des campagnes, disons, semi-ratées de Marc-Antoine en Orient, contre les Parthes, contre les Arméniens. Tout cela a fait que le prestige d'Antoine militaire, qui était extraordinaire, a été tout de même écorné. En Occident, Octave réussit à vaincre les Illyriens et donc rapporte quand même, enfin, à du prestige, ce qui lui manquait un petit peu hein, jusqu'à présent. Et donc tout cela fait que progressivement, je dirais, les rapports s'inversent en quelque sorte. Et pour clôturer le tout, effectivement, il y a cet amour entre Cléopâtre et Marc-Antoine, utilisé de façon évidemment politique par Octave, et le fait qu'à un moment donné, Antoine va jusqu'à répudier son épouse Octavie, c'est-à-dire une injure vis-à-vis évidemment de la famille d'Octave, mais aussi une injure vis-à-vis des Romains. Et tout cela a conduit finalement à une mobilisation très forte de Rome et de l'Occident contre Marc-Antoine et l'Orient. Seulement avec une petite nuance quand même, c'est qu'il y avait de nombreux sénateurs qui étaient du côté de Marc-Antoine. Et donc il y avait de ce point de vue-là toujours un combat politique à Rome. Mais je dirais en 32, à la suite de séances du Sénat assez mouvementées, un grand nombre de sénateurs se sont réfugiés en Orient auprès de Marc-Antoine. Et nous sommes avec les conditions de la bataille d'Actium en 31 avant Jésus-Christ, Maurice Sarp. Cette bataille, c'est la fin en fait. Qui est la fin. Et pour ajouter à ce que vient de dire Frédéric Hurlet, il ne faut pas oublier aussi que Cléopâtre a atteint un certain nombre de ses objectifs. C'est qu'Antoine lui a fait des donations, lui a rendu des territoires que Rome contrôlait, notamment en Syrie. On oublie trop souvent ces donations qui sont réelles et qui marquent pour Cléopâtre une grande victoire parce que, on le voit très bien, elle inaugure une nouvelle ère royale, l'an 1 qui est aussi l'an 16. Et ça veut dire qu'elle a... C'est une nouvelle étape dans son règne, en quelque sorte. Et là aussi, Octave va l'utiliser de façon, fake news parfaite, en disant que Antoine est en train de brader l'Empire de Rome à une étrangère, en quelque sorte. Mais ce qui n'est pas tout à fait le cas, d'ailleurs. La vraie information, en 31 avant Jésus-Christ, c'est que Marc-Antoine et Cléopâtre perdent, disons-le, devant Octave, pour simplifier, résumant, un État, un seul homme. À partir de là, que peuvent faire Cléopâtre et Marc-Antoine ? La reine donne l'exemple de la fuite, la première. Elle gagne la haute mer sur son vaisseau à poupe d'or et à voile de pourpre. Antoine la suit de près. Mais César s'élance sur leurs traces. En vain, ils ont préparé leur fuite sur l'océan. En vain, ils ont pourvu, par des garnisons, à la défense de Parétonium et de Pélouse, les deux boulevards de l'Égypte. Ils vont tomber aux mains de leur ennemi. Antoine se perce le premier de son épée. La reine, prosternée aux pieds de César, essaie sur les yeux du vainqueur le pouvoir des siens, inutile effort. Sa beauté n'égalait pas la continence du prince. Ce n'est pas au reste le désir de conserver une vie qu'on lui offre qui agite Cléopâtre, mais celui de garder une partie de son royaume. Dès qu'elle n'espère plus l'obtenir de César, et qu'elle se voit réservée pour le triomphe, profitant de la négligence de ses gardes, elle va s'enfermer dans un mausolée, nom que les Égyptiens donnent au tombeau de leur roi. Là, revêtue, selon son usage, de magnifiques ornements, elle se place sur des coussins parfumés auprès de son cher Antoine, et se faisant piquer les veines par des serpents, elle expire d'une mort douce et semblable au sommeil. Nous sommes au IIe siècle après Jésus-Christ quand Florus écrit son abrégé de l'histoire romaine, lu par Daniel Königsberg. Merci beaucoup Daniel. Il y a ici, Maurice Sarp, la mort, le suicide de Cléopâtre et d'Antoine. Beaucoup de romantisme. Nous savons, c'est Octave qui gagne, mais dans la mémoire, la victoire de Cléopâtre est très forte. La victoire de Cléopâtre est forte, la propagande d'Octave est surtout très forte, et ce texte en est un des exemples, puisqu'il décide de savoir comment elle est morte, mais on le sait dès le triomphe de 29, Octave fait défiler une statue de Cléopâtre, puisqu'elle est déjà morte, ils ne peuvent pas la présenter au triomphe, et on la représente déjà avec un serpent sur le bras, alors qu'on est à peu près persuadé maintenant, d'après les spécialistes, notamment les médecins, qu'elle s'est plutôt empoisonnée, parce que la mort par les serpents, c'est loin d'être doux, comme le dit Florus, ça c'est la propagande. Ce qui est clair, c'est que, d'abord, on parle de la fuite de Cléopâtre. qui est évidemment vue avec malveillance. En fait, ce qu'elle fait, elle, quand elle voit que tout est perdu, elle part parce qu'il y a 20 000 talents sur ces bateaux. Si on veut continuer la guerre, il faut mettre le trésor à l'abri. Parce qu'on part à la guerre avec beaucoup de métal, parce qu'il faut payer les troupes. Il suffit pas de sortir, de faire un virement bancaire ou de sortir sa carte bleue. Il faut avoir de quoi faire. Quand Antoine part contre les Parthes, il a un petit atelier monétaire portatif. Enfin, si j'ose dire, petit, c'est beaucoup dire. Donc, elle ne fuit pas, elle essaye de mettre à l'abri ce qu'il faut pour continuer la guerre. Et à partir de là, elle voit très bien que les intérêts entre Antoine et elle ne sont pas les mêmes. Antoine s'est arrivé à reprendre le pouvoir à Rome, elle s'est préservé son royaume et la survie de son royaume. Quand elle comprend qu'elle ne pourra pas, et je pense qu'elle a été sciemment intoxiquée en quelque sorte, par Octave et un agent d'Octave qui s'appelle Dolabella, elle préfère se suicider. Et ça, ça arrange formidablement Octave. Et ça arrange également tous ceux qui ensuite vont écrire sur Cléopâtre dans la fiction, mais aussi les historiens. Et je rappelle encore une fois Maurice Sarp, merci vivement. Cléopâtre, un rêve de puissance. Et puis un petit clin d'œil à votre bateau de Palmyre, ce voyage dans l'Antiquité. Merci vraiment à tous les deux et merci Frédéric Hurlet. Hein, parce que, alors vous, on va regarder côté Auguste, le vainqueur Octave Auguste, les ambitions du pouvoir. Et puis rappelez aussi cet ouvrage que vous avez co-dirigé chez Fayard, l'histoire romaine. Là, nous sommes sur le tome 2 d'Auguste à Constantin. Merci à tous les deux parce que nous avons toutes les pistes, en fait, pour réfléchir plus loin à ces histoires de rivalité qui tiennent beaucoup à de la propagande, puis quand même qui nous font rêver. Merci beaucoup. Et celui qui va nous faire rêver aujourd'hui, c'est Gérard Noiriel avec Le pourquoi du comment. Pourquoi les historiens s'intéressent-ils à l'invention des traditions ? Dans plusieurs de mes chroniques, j'ai montré comment l'histoire pouvait être utilisée à des fins publicitaires pour valoriser des produits, des territoires, telle ou telle cause politique ou communautaire. Je sais que ce regard critique agace parfois les auditeurs qui défendent ces traditions pour des raisons diverses. Il n'est donc pas inutile de rappeler, une fois encore, que le but de l'historien n'est pas d'invalider, encore moins de dénoncer les usages que les individus peuvent faire du passé, mais de montrer en quoi ceux-ci s'écartent ou contredisent les faits historiques établis par la recherche scientifique. Les travaux, qui relèvent de ce qu'on appelle aujourd'hui l'invention de la tradition, font partie d'un domaine d'étude dont les contours ont été fixés par le célèbre historien britannique Eric Hobsbawm. Il avait constaté dans ses propres recherches sur l'histoire du nationalisme en Europe que beaucoup de traditions que les entrepreneurs de mémoire présentaient comme très anciennes avaient été forgées récemment. Des convergences sont alors apparues avec les enquêtes des anthropologues ayant établi de leur côté qu'en Afrique, des traditions dites ancestrales étaient souvent des inventions coloniales. Eric Hobsbawm a distingué trois types de traditions inventées. En premier lieu, il mentionne celles qui symbolisent la cohésion sociale d'un groupe ou d'une communauté. En second lieu, il évoque celles qui établissent ou légitiment des institutions ou des relations d'autorité. Enfin, il insiste sur les traditions inventées dont le but principal réside dans l'inculcation des croyances, des systèmes de valeurs ou des codes de conduite. Les premières décennies du XIXe siècle ont été un grand moment dans l'histoire des traditions inventées. Dans le contexte d'une vaste mobilisation des élites bourgeoises en faveur du principe des nationalités, les historiens, les folkloristes, les écrivains sont partis à la recherche des vieilles coutumes et des langues locales qu'ils ont consignées par écrit pour en faire des traditions nationales. Ces matériaux ont été ensuite exploités pour alimenter les affrontements nationalistes qui n'ont malheureusement pas disparu de nos jours. L'invention des traditions est un processus que l'on retrouve dans tous les mouvements à caractère identitaire, qu'ils soient nationaux, communautaires ou régionalistes. À titre d'exemple, j'évoquerai l'invention de la Bretagne, au lendemain de la Révolution française, qu'a étudié Catherine Berthaud. Au moment même où les anciennes provinces étaient en train de disparaître comme entités politiques autonomes, elles ont été constituées comme objets culturels. C'est à cette époque que des représentations codifiées de la Bretagne ont été élaborées par les élites à partir d'éléments empruntés à la culture matérielle rurale, comme l'habitat ou le costume, à la langue, à la race, au climat, et tous ces éléments ont permis la fabrication des stéréotypes régionaux. Depuis le XIXe siècle, ceux-ci ont joué un rôle majeur dans la stigmatisation de ces populations, mais ils ont aussi été mobilisés pour alimenter des formes de résistance contre la domination d'un pouvoir politique centralisé à Paris. Merci Gérard Noiriel, c'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Marion Dupont, Toscane Judès, Jeanne Delecroix, Pauline Maragou, Maïwenn Guizhou, à écouter, à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.